بسم الله. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عنه من قبور الأهلية فإن حادث متفق عليه. وعن عمر بن خارية رضي الله تعالى عنه أنه قال قتبنا النبي صلى الله عليه وسلم دينا وهو على راحلته ونهابها يسير على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عن طب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw buñu sante yalla julli cente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuy di len ziyara di len wal haq di ñaan borom bi xana wa taala bo lañu jéggal suñu kon jotay bi wésu maam ci wala jotay yi wésu kon ñi ngi nekkon ci sharha hadith ñaar fukel ak ñatt ak ñaar fukel ak ñent bulughul maram min adillati ahkam. Wa al-imam al-hafiz ahmad ibn hajar al-asqalani rahimahullah kon hadith bu ñëk bi mom moy wa anhu radiyallahu ta'ala annahu qala man moy anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana yawm khaybar amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba talha fanada أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه. وعنه كن جلن انت ممسينا أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أننا دفوحنا لما باها من تنكانا خيوانا أمونا يوم خيبر بس خيبر ما نم خاربا أمر ديگرنا رسول الله دولي الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه sayyidna abu talha radiyallahu anhu da mu woné dani nalla nako bur yalla wa rasuluhu ndam ni sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum ñongi len di téré allahumi ci walu ndawalu alhumur mbam alahliyati ko ñu kër yi mo mbam safi lutax fa innaha ndax ndawal loolu day ritsun sobe la. Benen bi ci def moy wax na amul no kharijata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biminan wa huwa ala rahilatihi wa lu'abaha yasiru ala katfayya. Akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahaha. Mune an anas an wa an amul kharija radiyallahu ta'ala anhu mune yentibi mune khatabana khutban nañu rasulullah wala ndoy nabi yentibi sallallahu alayhi wasallam fanada mudadi wote ndere dedet wo huwa biminan fek bob mi ngi ci minan wo fek mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ala rahilatihi mi ngi ci kaw war wayam ci kaw gele mom wala ba te fek tuflitum manam tuflitu gelem gi yasilu mangay wala ngan ala katfaye ci sama mbagi. Akhrajahu ahmad imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu taala moko solo ci sunanam ci musnadam bok wa tirmizi ak imam at-tirmizi ci sunanam wa rahmatullahi alayhi wa sahahu te weral nako ndax dafa wax ne hadha hadithun hasan sahih. hadith bi hadith bu bax la bu weer la bu rafet la kon sunu ñaari hadith yoy ki jota yi bi wessu gison nañu ne li aju ci manam mas'al usul yi manam commencé won nañ ko dugg commencé won nañ ko dugg kon legui ba danaka sori won nañ ci wala bok ñu xawon ko jéxal waye dañuy kon inshallah taala mas'ala bobu manam bi nga xamantene mom moy bi kon liñ ci wara gis bok na ci moy ci manam moy dalil bo xamantene khabaru ahad la manam ci sunna lolu manam côté bobu lañ ko duggal moy bi nga don wax sank masala bobu fimu duggé mom moy ne côté moy sunna da fay meuna indi alquran day meuna wax ci alquran di leral lo xamantene alquran indi wuko voilà comme li nga xamantene mom moy mbam bi nga xamantene alquran waxul ne mbam suf dafa haram waye hadith bi nga xamantene mom lañu nek wala bok gu jëk bi mom mo leral ne mbam suf dafa dal dafa harama lek wala amna yeneen hadith tamit buy lakh ni baxla tamit dafa harama lek baxla comme mom moy berkel la lañu wolof nan berkel la moy doomu fas ak mbam wala deng yoyu tamit kon ci fofu lay dugg lolou nak gisoon nañ ko waye ci biir wax ci effectivement biñ do wax ci masala fiqhi gisoon nañu ne amna ben masala usuliyya bo xamantene da fay manam melni fargo la manam dafa branche la wala démembrement la ci masala bi nga xamantene mom lañ wax manam masala usuliyya bo gisoon nañ ko ci jotaay bi wessu te moy ne leg leg dalil mutawatir manam lan mo koy takhsis manam ndax dalil mutawatir manam ndax khabar ahad dana ko takhsis manam khabar ahad nak buñ ko waxe moy wax jo xamantene niko solo bari wuñ manam moy wax jo xamantene ben nit wala ñaar nit ak yu deme non ñom ñoko solo lolou lañ wax khabar ahad fe yegul hadd tawatur manam at tawatur mom moy buñ wax dara mutawatir la moy day nek mbir mo xamantene mbolo mu bari dañ koy jëlé ci mbolo mu bari jëlé ko ci mbolo mu bari ba mu dem ci lo xamantene manam ba mu yegg ci lo xamantene nit mënu ko wéddi manam manam lo xamantene dañ koy mëna lamb wala bok dañ koy mëna xam dañ ci mëna am accès mais il faut que information bo man lu mu sim il faut que mu nek lo xamantene day taxo digënté de génération à génération di jall lolu que à condition bobu ci lañ koy wal mëna waxé ni mutawatir la manam légui na xadd tawatur borom xam yi rahmatullah alayhi effectivement dañu wuté ci deug rek amna ño xamantene dañu japp né fukki nit japp fukki nit té lolu mom moy ñu gëna bari manam fukki nit japp fukki nit japp fukki nit ñoñu ci génération bu nek ba mu yegg ci fi mu wara yegg lolu mom mutawatir la lan moy mutawatir moy tay par exemple am manam né par exemple New York ab dëkk la bu existé lolu mutawatir la lutax parce que dañuy gis mbolo mu bare bare di joggé wala makka wala baghdad ah wala basra wala manam dëkk yu mel non wala sanaa yemen fofu wala new delhi ah et cetera yoy ay dëkk la yo xamné na existé né lolu même bu fekkanté né muso gis image yi musuñu la won photo bi muso ko gis ci télé manam dañuy xamné dëkk bi existé na ndax preuve argument bi moy lo xamné mutawatir la ndax dañuy gis mbolo mu bare bare di andando ñu né rendé aji amna ñu bokku di demando di délu sé do té ñom ñep mënu ñu andalo ci duppo ci lo xamantene non seulement wiru mais mënu ñu andado nak ñom ñep kenn ku ñu nek créer information bobu né amna fekk en réalité amul manam parce que le fait que ñu duppo ci mënu ta nek mais aussi kenn ku ci nek bëru def ko ba bari duppo wuñu après ñu ñew ñom ñep ñu bokku liñ wax tamit mën ta nek kon lolu moy mutawatir voilà moy bo xamantene kon lolu mo maintenant nak lan kagn lañuy yegg ci deugre bo xamne lolu mo motax bu ñexé ci niveau mutawatir manam né information bi dafa sax saxay go xamantene légui manam dafa lèr bu boba lolu yaqin lay waral manam xam xam bobu li ñuy jangé ci li nga xamne mom moy mutawatir lolu yaqeen la comme tay par exemple comme par exemple tay buñu don wax ndax Imam Malik existé won na rahmalah ñun ñi fekki wuñu jamono Imam Malik xamuñu won kiyo suñu papa yi tabit ak suñu mam yi gisunu ko xamuñu ko won mais kenn ku nek ci ñun ni woor na ko ni Imam Malik existé na lutax parce que ni information yi taxo jëm ci ñun mom mo wala ni Imam Malik existé na niki nonu voilà niki nonu information yenen yi manam yi lepp lo xamne dal lool la lay dañu xamne li mom manam dafa existé ndax lan ndax ni muy taxo de génération en génération ba paré mbolo mu bare bare diko taxal ci à travers toutes les générations et que chaque génération ñoom ñep ñu bokk diko taxalé non ci lo xamantene manam man nañ xamné li mom warta mëna rek mais dafa am condition il faut que lola nek lo xamantene dañ koy mëna lamb diko daj wala bok day mëna yex ci mbir mo xamné lu wër la manam luñu xam la comme tay par exemple buñu xolé chrétien yi depuis giñu depuis ci né yent yalla aïssa alayhi salatu wassalam masalan dañ ko mom lañu dajjon ak yu mel non wala depo giñ depo ci ne doomu yalla la ak yu mel non lolu mu nit ko tuddé mu tawate lutax parce que dafa dem na certe de génération en génération affaire bi siw mais yegul ci lo xamantene luñu mëna lamb la manam amul fo xamantene dañ nan mbir mi bamu yexi fi mbolo mi yépp ñom ñoko solo wé non contrairement ak alcorane alcorane nga xamantene manam niñ ko solo wé mom mutawatir la parce que tay par exemple bo xolé bible bi dañu dem manam ba ben génération ñu ne di woko bind manam kon ce qui veut dire que manam ñu ne amna Matthieu bind na ak Luc ak Jean et cetera ñono manam bind nañ ko bu ko defé ñu dal dañ koy dal bind sax ci téré bobu nañ nane bible selon Jean wala selon Luc wala Matthieu et cetera amna keneen ke ñenté bu faté na tuddu do pour la xawma wala en tout cas voilà pour mëna wax loolu mënu nek mutawatir ce qui veut dire que information yi ñu trouvé ci bible mën ta nek mutawatir pourquoi parce que ñi rek ko bind té ñoñu nonu amul kenn ci ñom ku dund ak yent yalla isa alayhi salatu wassalam ce qui veut dire que rupture dafa am fofu loolu moko wuté nak par exemple alcorane bi nga xamantene mom mëna nako tuddé ni mom dañ ko solo ci anam go xamantene manam dañ ni li mutawatir la lutax moyene génération bu nek dafa am ñu bare bare ñuko jang xam ko ba bare mbir mi dafa toftolo di toftolo toftolo ba ci yeenbi sallalahu alayhi wasallam ñu xamne yalla ci mom lako wacce won manam kon ñu mëna xamne de telle sorte que tay man dañuy mëna retracer wat fil bobu voilà dañuy mëna retracer fil bobu bo xolé buñu genné le fakk ay jooni nit ñoy mokal alcorane chaque année des millions ñokoy mokal chaque année nga genné ci le fait que après manam le fait que ñepp même bi lañ yor manam wuté wul ñepp même bi lañ yor kèn du jék nan jenn nañ fi manuscrit bible bu bess wala manu alcorane bok bu bess bu melni parce que manuscrit bible yu doy daf ci am voilà lolu manam bo xamantene day wuté ak ñu joxo gis ci ni manam bé lolu ci alcorane amu ci kon booba dañuy mëna xamné day mëna déllu manam dama joxe exact ki bi étude comparative bobu juste pour expliquer que ni mutawatir pour condition la moy mbir mi wara yegg fenn comme tay par exemple amna mbir yo xamantene parce que bu amé benn ci chaîne bi benn moment bo xamantene amna rupture wala bok mbolo mom dafa manké rek mëna fiko tuddé ci mutawatir voilà voilà par exemple tay fim tollu légui lan moy ki lolu lan motax borom xoxam yi teure le non manam fukki nit mom mo li upp li wax amna ño xamne dem nañ né 50 la wala 30 ñi ci dess et cetera mais mbolo mom dafa war pourquoi parce que tay imagine ben way ñew comme ni fi ñu buñ togon fi ben way bu dugg ci dal né mais gaay yeug ngeen xam ñen la la mune belku ñene lu fa xew ñene dafa am ben lumière bu jek rek ben lumière rek jek rek feñ fa ko gaay yep mom lañuy contempler instant bi mom xam nga fim toll yow boko déggé ci waajo xamné wolu nguko da ko daal di mëna nangu mais koolute gi lay dess manam manam information bi wolu nguko deugal nguko gëm nguko mais mom moko wax quoi légui buñu jéki togué té benen way juggé fénen daal di ñëw daal mais gaay mais lan mo xew seen dëkk bi parce que apparemment Birkour dem romu na ko mais effectivement amna ben lumière bu fa ki la ma ngi gis gaay di contempler ben lumière fofu ba lu xew xam nga legui muy deuxième information manam yenen ñaar nit donc man nima gëmé mbir bi day gëna deugul lool nak suñu démé ba mu nekk ay mbolo manam bañu mat par exemple fukk té fan wër témir témir ñu mel nonu ñew di ko day daal du mujjé doon lo xamantene manam man dama ci am ilmul yaqin manam daf may leer ni li xew lutax parce que ñoom ñep mënu ñoo deppo ci wax lu deug wala bok ñoom ñep mënu ñoo ñew kenn ku ci nek isolement de manière isolée wax dara wax lola wax même information ba paré buñ xolé dañuy gis né liñ wax yeb dafa deppo lool nak su amé ci génération lool mom moy mutawaté manam bu amé ni ci bénn bi dañ nan ki la mais pour ñu mën ko saxal il faut que muy répété wu ci génération yi à chaque fois ci génération manam bu dé bokku tout ci lu présent ci histoire ci passé la bok kon dañ koy daanu mëna toftale non légui nak alcorane comme ñun niñ ko recevoir niñ ko joté tay dañ ko joté ci anam go xamne mutawatir la voilà mutawatir la téré bu melni sahih bukhari sahih muslim et cetera ba ci bulughul maram bi et cetera ni mu ñëwé ci ñun yalla mutawatir la lutax parce que ci génération en génération ay ñu bare bare milliers ñom ñoko solo ki anam go xamne mënatu ñoo douté ci né par exemple bu lu ko marama hafid ibn hajar moko bind rahmalallah mënatu ñu douté wala ke ni sahih bi sahih al-bukhari al-imam bukhari moko bind am ta lool mënuntu ñu douté ndax lan ndax imam bukhari mom rek bi mi lu tollo 70000 personnes dégg nañ ci mom sahih ñoña kenn ku ci nekk jangal nga ko ay ñu bari ñoña nona bamu yex ci ñun lolu mënatuñu ñun mënatuñu mail bi ci gëna siiw bi nga xamantene mom moy riwaya yu ci ëpp luñ ci moy bu ferabri bi al ferabri wa muhammad ibn yusuf ibn makar al ferabri han rahmalallah mom riwaya mom la nit ñi digi parce que lutax parce que mom année dernière année bi imam bukhari dund ci la solo ci mom sax sahih motax souvent nit ñi mbol yoon bobu dañu faral di solo ye sahih mais ñiko solo dafa bari way bo xamna manatu ñoo douté ci né mi ki mom moko bind voilà lool mom moy lool la voilà dafa xawu jégué dalil quoi hein dafa xawu neexum dalil non mutawatir dalil la non dalil moy argument xam nga moy preuve voilà légui mutawatir information la bo xamantene manef nako jappé comme mutawatir moy lu siw siway bop xawma nan lañ ko mëna wax ci toom en tout cas célèbre de manière bo xamantene à ce que kenn mënu fu ci douter voilà kenn mënu fu ci douter voilà légui contraire bi nak moy khabar ahad moy ko xamne kenn moko jël ci kenn koku jël ko ci kenn jël ko ci kenn wala ñaar jël ko ci kenn koku jël ko ci ñaar kenn ko jël ko ci kenn et cetera woné manam bu woné sa papa néna ma nangam et cetera kok néna mama mako waxon nangam lolou khabar ahad wa wala mom néna demone ci serigne diw néna ki diw ko waxon ngay koku da ni dem non lolou khabar ahad la manam ap fofu nak day soxla ñuy vérifier authenticité wu nit ni parce que boudé mutawatir la duñ soxla ñuy vérifier ndax gaay ay nit ñu djub lañ wala duñ ñu djub ndax liñ ndax ay waxatu deug lañ wala de leg leg de temps en temps ñu expliquer lolu duñ ko du jar vérifier mais bu fekkante né ki dafa am dañ koy vérifier su dé xabaru ahad la dañ koy vérifier parce que su dé man dama ni rek sama papa néna mamam nénako mamam bobu néna sama mam néna dem na serigne diw bobu nénako hé mais il faut mo commencer vérifier ndax serigne diw bobu déjà mom ci bopom da bay vérifier authenticité après sama mam après ñeu sama papa ñu doga ñeu ci mat mais affaire bi non lay démé manam kenn munu ma wulu rek ci ne ah comme neena nak nangam rek kon lolo deug la amna dedet motax lolo c'est très important lolo tax information yu bare yi ñi deg ñun ñi dara yu ñu parce que mënuñu vérifier mais ñu par exemple tay yi ñi waxal sëriñ ci ni yi ni sëriñ diw neen yi ci upp upp upp manam ay wax la yo xamne da naka japp netali wat lutax parce que non seulement ñun liñu gëna dal mom moy amul amul yoon bu ñu mëna xamné manam yuñ mëna retracer information bi lool moy ben mais ñaaral bi ci dess mom moy amul rigueur bu ñu mëna manam ñun duñu par exemple tay ben way bu ñëwé né papa am serigne diw manam serigne moy papa néna nangam mais ñun pour ñu recevoir information il faut wa joju wax lool d'abord ñu xol ak ma duké manam ñu xol est-ce que day wax de temps en temps day wax lu dul deug wala de bok mom mo gëna graw pour mëna pour mëna dalal ben nit bu ne wa si parce que c'est comme tanga taxaw wax le li té lolu amul lolu limi tek moy ñëmé nga wax benen information wala xamuñu kañ ngay wax lu dul deug wala de dañuy dal bayyi ngay wax voilà ce qui fait que lolu rek boko tégué comme balance mais presque ben information danaka dotu wërati wala yu néway wër ke ñi joggé ci ñi nga xamantene vraiment xamé nañ leen ni mom ñëmé wuñu wax lu non wala bok en tout cas ñëmé wuñu netali lu lu non diko jëlé ci seenu sëriñ wala ci seen wajur wala yu mel non voilà waxuma la nak amna nak yo xamne mom jarum ñu ci wax yi nga xamantene moy dama na deg na ben goor gu netali neena yoy mom waxuñu ko parce que goor gogo boudé yow deg nga ko effectivement goor gogo nga xamuñu kan la ko xamuñu kan la xamuñu ndax djub na wala djubul wax yoy day wax dañ koy mabal voilà lolu mom motax légui tay buñu xolé kon lolu lolu moy mu tawaté manam en gros lolu la maintenant khabaru ahadi hadisi lu ci upp ay khabaru ahad la du lay mutawatir manam mutawatir lañ ci après biñ len bindé ba mu yex manam comme khabaru comme tay par exemple sahih al bukhari hadisi ci nek yeb a partir de imam al bukhari ba ci ñun mën nañ ni mutawatir lool mën nañ ko wax wala bok a partir de al firabri rahimahullah ba legui ni dañ mëna mutawatir la mais liñu mënul wax moy ne legui chenou imam bukhari mune mom degi na ci di koku di ba jenté bi sa sa lool munu ñu ko tuddé mutawaté am wess que après ñeneen solo ko et cetera lool mom motax hadith mutawaté yi bari wuñ tamit à ce point ala bari wuñ à ce point voilà donc legui exemple te wouté na ak hadith bu siw xam nga lay ben hadith man na siw fekk sax am wiru comme par exemple utulubul ilma walaw bisim sakulen xam xam donte da ngeen dem bisim par exemple lolu hadith bu wiru non seulement wiru mais que lepp ci woro xam xam yi rahmatullah alayhi comme al kamil dum ibn adi ko imam al ibn adi imam ki borom al mawdu'ati imam ibn jawzi han ak han voilà ak ñu bari ci imam yi ñom al hafiz ibn abdul barr et cetera rabbul alam ñom dañ né hadith bi mawdu' la dañ ko sax sos sosiyent bi sallallahu alayhi wasallam alors que imam al bayhaqi rahmatullah alayhi daf ni da wahin jiddan manam hadith bi dal dafa noy dafa doye di torop manam mom sax mo gëna mesurer touti ci waxal manam pour dire que ni hadith bobu manam wir du ak and ak limu siw yeb yeen ci sallallahu alayhi wasallam waxu and ak limu siw wala legna sax ma ngi deg kenn ci ki di wax ne bi ki xin neena moy xam nga bu ñu la abuja da xawza xataya wati saxal wati zagasha nishin gog da ne gis nga yentibi lim doon wax moy alif dem len aller jusqu'à chin nana moy alif bi moy ki becc ma moy dem len ci digeunte alif bi becc chin bi alors que même ñi wax hadith bob ñom waxuñu chin ak chin seen nañu bind moy bu chin la chin biñu wax chin xam nga en français ki yo lañu bind chin mais arab fat la koy bind soit la koy bindé déjà rek fofu rek déjà amna problème waxuma la legui hadith bi non seulement dafa am problème interprétation manam ya beaucoup de choses et en plus li gëna grave moy né wax yoyu non lañuy jappé comme étant wax yo xamantene manam wu ay bi xam xam wu réngi manam alors que wax yi manam dox ci étape wax yépp manam étape yépp chaque échelle bo nang won benn bi bi ci dess day wër day dëre bi ci dess day doy yalla nga yalla sax voilà légui comme hadith bo par exemple pourtant siw na tenti wax dafa légui nak amna hadith yo xamantene parfois siw tay fim tollu bo fekke benn ami ko xamantene jangut ni ganiko wala wa ganiko yantibi sallallahu alaihi wasallam neena man bana lillah man bana lillah masjidan bana allah lahu baytan fil jannah yantibi de sallallahu alaihi wasallam neena ku tabax ben neeg neeg ku tabaxal yalla ben neeg yalla dana ko tabaxal keur ci aljana est ce yantibi mo wax lolu sallallahu alaihi wasallam est ce yow leer neeg mën nako baña xam nana non lolu woruma ne yantibi moko wax te pourtant mutawatir manam c'est à dire hadith kon liñu wax mutawatir manam lolu ak li nga xamantene mom lañuy wax mutawat manam ak liñ nane dafa siw du ben même liñ nane hadith dafa siw sax manam kon djublu wuñ ci siway gi nonu rek mais liñ ci djublu moy ñu mëna remonter siway gogou de génération en génération mu siwé fof génération buñ dem gis ni nek dañ ñuy xamone nañ ko bu baax siwone won ca ñom ñu dem benen génération ñu gis ni ñi fi tam siwé won na ca ñom ba mu yex ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñu mëna tuddé mutawatir comme tay par exemple discours bo xamantene président da taxaw def ko télé yépp woné ko loolu la information yéne ñu mutawatir lañ ko mëna tuddé ndax ñepp tay maam ñu bare bare dañ koy daal di mëna netali dañuy mëna wax na président kat ci discours bo waxon na nga voilà ay wa légi kon wax di moy né wax du mel non likoy dafa am lukoy affaiblir manam lukoy ki num tudu luko meuna taxis manam mën ko particulariser wala bok mu ñew yok information moy khabaru ahad moy liñ doon wax sax moy wax jo xamne taxuko nek gu mu tawatir ko deug manam nek siwul wër na mais siwul question bi moy est-ce que khabaru ahad meuna particulariser wax do xamne mutawatir la lool moy wax tay buñu xolé jumhur rahmatullah alayhi ñom dañ ko meuna nangu ñom dañ koy nangu jumhur moy la majorité des savants ñom accepté nañ lool ñom dañuy accepté que lan que khabaru ahad wirum mom nañu baye xam bu xese bu wir man na ñew particulariser wala mu yok ben explication ci lo xamne mutawatir alors que hanafi rahmatullah ñom loolu lañ nangul ak zahiri bien sûr comprendre surtout hanafi hein en fait c'est quoi tu expliques c'est pour utiliser le dalil pour en déduire après les choses voilà légui baye ma jox voilà légui dag qu'est-ce que tu appelles particularisant? Voilà, c'est ce que je veux dire. Je vais vous expliquer. Madame, déjà, il faut que vous direz déjà beaucoup. Si vous savez ce que je veux après, je vais vous dire détail. Dans le cas pratique. Exemple, pour que vous l'air, quoi, exemple pratique. Aïwa. Si vous voulez, il y a un Coran qui a fait un mot et un mot. Il y a un mot qui a fait un mot et un mot qui a fait un mot. C'est-à-dire que kon tay bu may julli man lima alquran wax d'après buma fié wo ci ay bobu moy bu may julli li jappale ci man ci alquran rek lay tar c'est-à-dire que obligé wu ma tari fatiha lima obligé tari mom moy n'importe quel sa manam au moment où li mo jappale ci man lool rek la wara tan lool d'après texte coranique bi lool la mais alquran wax la jo xamné mutawatir la wala khabaru ahad mutawatir la waa legui kon legui mu am ben wax bu yendibi sallallahu alayhi wasallam ne la salata liman lam yaqra bi fathatil kitab moy hadith ubadah ibn sabit radiyallahu ta'ala nu nek ci ñaari sahih ak ci mota manam ne julli du am manam la salatu de julli manam pas de prière pas de prière pas de salat hein bu amul fatiha bo xamne jamu ñu ci fatiha donc legui lolu mu khabar bobu khabaru ahad la khabaru ahad la kenn moko jël ci kenn koku jël ko ci kenn ñu wala ñaar jël ko ci kenn koku jël ko ci kenn bu yakkenté salalahu alayhi wasallam koku khabaru ahad baax na hein voilà maintenant jumhur manam jumhur moy lan voilà jumhur moy majorité voilà manam quel que soit nous affaire bi organisé wo dès que ñu am une majorité absolue quelque part dañuy wax né jumhur amna jumhur wax nañ nangam ayo né kon jumhur ñom ñoy hein fini ñom ñoy Shafi'i Maliki ak Hanbali wala Hanabila rahmatullah ñom luñ wax ñom dañ né kon julli da wara am fatiha obligatoire ma té julli bu amul fatiha julli ga day yaq té lolu dañ ko wara xam gëm ko tak ko japp ko ba paré diko doxal képp ku julli té tari wulo fatiha ci sa julli té nga tay ko sa julli yaquna boko tayul rakka bobu yaquna dang koy defara manam dang koy yok ak bir julli faaw da nga julli war rakka manam lool moy bu yagul bu yagge mom moy moy julli bi ci bopum moy yak parce que rakka bi day déplacer ça dit que rakka bo xamne dama djum tali wuma ci fatiha buma xese ba sujjot bu moy djugat rakka bobu dama ko annuler manam rakka bobu day melni musuma ko julli bu may konta duma ko bolé walé ci dara sauf que après damay def baada salam ayo mais boudé xafé ak xanam bi lay rahmatalam da nga def rek qabla salam voilà légui parce que lutax parce que rakka bobu baaxul julli bobu baaxul parce que lutax parce que liyent bi né salalahu alayhi wasallam julli amul bu féké téné tari wuñ ci fa fi ha mer Hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom dañ né dédé ñun d'accord ci do lu da d'accordu len ñu né parce que khabar bi ngeen ñu indil khabaru ahad la té khabaru ahad man ñu ko jël diko comparer lo xamné lér na dafa sax ndax mutawatir la khabaru ahad même bu saxé ñu nang ko d'après moyen yi ñu am duñ ko mëna wuru gu toll muy meuna jël ben waxu bo xamné ci mutawatir la mu diko particulariser manam alquran neena dal nañ jang lu yomb lool dafa général lu japp di rek ci alquran luñu mën lu neex ci lu nu man lañuy jàr ay wa cependant pour nak né dañuy tari faté ki ni lan gëni fatiha bi boko tari wul sa julli baaxul nangam nangam non lool mom c'est un peu dafa gëna ki parce que rek wax jël nga xamné deug la que ni li note ndiorti moy enti moko wax sala sala mais bon il se peut que aussi netali bi ni ko netalé djum ta am donc ñun mënu ñu particulariser li a par lo xamantene leer na ñu saxna voilà gis nga logique bi voilà lool moy logique bi lay comprendre nga particulariser lu muy tek voilà légui ñom lool en gros voilà lool c'est un les cadres béné khabarul ahad am doole ci kaw mutawatir voilà pour selon majorité manam voilà ñom dañ japp né khabarul ahad bi day am doole dañ koy mëna utiliser dañ koy mëna utiliser comme argument bu solide pour mëna particulariser tout ça tout voilà OK dëng dañ koy mëna particulariser hein information bëlé au moment où contradictoire ak mom parce que bu doon dafa contradictoire ak mom ci lañuy mëna sété lool lutax parce que ñom dañ ni dafa am benen qaida buñu wax né i'malu dalilayni afdal min ihmal ahadihima manam mo lan lool wala bok amna ci benen façon bu gëna simple buñ ko expliquer dañ nan al i'mal afdal min al ihmal gis nga benn ba a i'mal ihmal e manam jëfëndiko ñaari dalil buñ amé ñaari dalil moy li nga non dalil moy argument lepp lo xamantene mëna constituer un argument loolu mom lañ tuddé dalil mëna nek alquran mëna nek hadith mëna nek ijma moy consensus ñëpp d'accord ci dara mëna nek mafhum moy luñu comprendre ci dara mëna nek manam mëna nek lu ne mëna nek qiyas manam lo xamne dañ ko dañ ko natalé ak ci dara comparer mëna nek lu bare bare wa mën wal mais kon ñom dañ ni buñu amé ñaari dalil il faut me manam mu jëfëndiko ñaari dalil yépp lool mo gën lutax parce que ñom ñepp yentibi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko yoni tamit té ñun information yi ñuy joté ci yentibi sallallahu alayhi wasallam bu fekkon té dañ nane à chaque fois que ñu am ben information bo xamantene khabaru ahad la rek dañuy douté ci ci mën ko utiliser ci ci côté bobu kon dañ ci mëna douté aussi ci côté yépp au moment où mbir mom démé na nonu kon day daadi mu dañuy daadi nénal tout simplement manam sunna yentibi sallallahu alayhi wasallam parce que li ko sunna limi yek sey tu ñun ci xabaru ahad la yek sey tu war moy li ëpp ci sunna hadis mutawatir bari wuñ dara bari wuñ voilà hmm matu ñu 200 par exemple hadis mutawatir matu ñu 200 ci ay milliers et des milliers de hadis ci ay dizaines de milliers yo xamantene en tout cas meun nañ xamne bi mom mi ngi ni yo xamne sans répéter la wax ñu xamne dizaine de milliers sans répéter parce que hadith yi loolu la tamet wala hadith yi bo leen xolé environ ci ay 12000 hadith lay tollu moy buñu répéter wul buñu déggé nak né diwu dafa mokal ay nangam million wala ci ay million hadith loolu tekki wul né tekki wul texte bi ci bopam manam soit ni ñu répéter moy loolu lay tekki manam soit par exemple ben wax ñu waxé ko ci ay waxin yu bari ñu netté ko ci ay netté yu bari yoy loolu lay tek ak tamit buñu jëlé hadith yi nga xamantene waxu sahaba yi rañ moy mawqu ak maqtu yi nga waxu tabe yi rañ yoy tam dañ ko ci bolé comme dañ leen tuddé hadith yoy tam dañ leen ci bolé ak yu mel non mom moy yok nombre bi ak tamit le fait que ñoom dañuy compter sahaba bu né ak hadith manam tay bu dé ben hadith bo xamantene témir sahaba dañ ko solo nga xam témir yépp dañ c'est comme si yow témir sa ba nga témir hadith da xam alors que yow en réalité texte bi ben texte la légui nak lolu soti bolé ak le fait que bu chaîne de transmission yi wouté hadith bi day wouté comme tay bu fekkenté Imam Bukhari rahmoullahu ta'ala dafa solo mota environ 2000 hadith la manam 1500-1600 de japp 2000 hadith la su fekkenté boudé lool moy yépp mais boudé hadith yentibi wax rek sala sama amono 1000 la ci motax légui tay buñ xolé 1000 yoyu Imam Bukhari rahmatullah alayhi su fekkante né dafa jangé ci dafa solo way mu wata ci 1000 personnes yu wuté ci 10 personnes bok yu wuté 10 kenn ku ci nek solo ci mohal mom ni mi mokalé affaire bi manam day daal di konté né mokal na 10000 hadith parce que ci 10 personnes yu wuté la mokalé hadith bu né lolu manam parce que chaîne bi tout temps chaîne bi day wouté wat dana parce que da nan sama serigne diw mom jangale ci Imam Malik après mu ne benen serigne bi jangale ci Imam Malik nangam ce qui veut dire que chaîne bobu day wouté mu nek kon plus de mu nek environ 10000 hadith legui ce qui fait que lolu lay tek mais tekki wul ne textu hadith bi ci jëw bobu textu hadith environ matu 12000 wala bu ko yexé ci lay 12000 hadith environ voilà légui tay bu fekkante nak légui texte à chaque fois que dañuy douter ci mën ci recevabilité bi ci cas de figure tel wala tel ndax lolu kessé kon dañuy manam sunna ci bopam sunna yentim sallallahu alayhi wasallam ko bopam lañu remettre en cause ci utilité bi mën ko utiliser voilà donc lolu mom motax ñeneen ñi dañ ko utiliser mais effectivement dañ ko mëna jël au moment où ñun moyen yi ñu am pour mëna xam ndax wërna wala wërul saxal na né wërna comme saxal nañu ne wër na nak ñun loolu dañ koy daal mu lay jëfëndiko mu daal di particulariser nga xamne moy hadith man moy mu ñu mëna particulariser information bi nga xamne landa mu do watul baax donc loolu mo nekk ko masal bobu benen bi ci dess moy le fait que comme moy di seigne fall do wax legi manam moy le fait que ñu mëna jëfëndiko ab manam né ab dalil mënef nako manam ap até mënef nako nasaxal laata ñukoy jëfëndiko ap até mënef nako nasaxal laata ñukoy jëfëndiko comme moy cadre fi jur bi mais lolu ñu pratique aji wu ci du ci aji ñun suñu pratique du ci aji ñu xamné man na nek lay jëri kene parce que comme par exemple fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafal won nañu tok ngam ci ni ba paré nañ ko yenenbi sallallahu gaay ni ko a det way kon téñ ko raxas mune wa raxas luñ ko kon bok voilà ñu dal koy raxas kon lolu moy ne dañu atté won ci né légui kon ndab yi kat bu fekkante né sobe daf ci né dañ koy dal manam surtout mbam dañ ko taw togué dañ koy tek lolo xon légui nak gaay né ko mé téñu koy raxas mu né wa kon raxas né voilà benen bi ci dess mom moy né ci moy né mënañ muraaja manam wala ki amir bi manam moy ki nga xamne mom moy njit bi meuf nako jox ay proposition manam su fekkante ne dafa manam meuf na laaj comme par exemple fatwa lolou on don ni usul ba leg parce que question fatwa la parce que fatwa ci ko sa usul la manam fatwa buñ meun nañ ko joxe wajib ki laaj bi yok ci benen mbir mo xamantene day tax ki joxe fatwa bi dadi allege fatwa bi wala mu wandi wala bok mu dindi te lolou comme niñ ko gisse moy cadre figure bi lolou daf ci am da voilà et que lolou motax lolou tamit luma ta baye xam que ni et que fatwa ay kon dañuy mën di changer selon ay details selon yenn paramètres fatwa ay dañuy mëna changer lolou mom motax ki la lat quoi finesse la lat ñu wax ad diqqa finesse voilà lolou la voilà benen bi ci dess mom moy amana bobu mom ci lañuy jéxala mom moy taqrir moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam saxal gi muy saxal dara mam le fait que mu assister ben sel te waxu ci dara lolou moy taxna parce que sayyidna amr ibn kharija radhiyallahu ta'ala nu bi muy wax netali ko rek parce que voilà manam bi muy nan yenen ci sallallahu alayhi wasallam mi ngi won sama ci kaw manam geulem gi tufli di dal sama mbag gi muy khutba lolou le fait que lool da fay saxal ne le fait que lool mom ñom ñu mën ci sukkandiko japp ne kon lool du sobe lool day saxal ne yantim salama manam kon mom dafa bayyi xel ne le fait que mu gis ko et que gis gi mu ko gis te waxu ci dara moy wala ne kon lool du sobe parce que su doon sobe la dañ ko demal nga raxas voilà moy yantim salama kon am saxalam ab saxalam ci dara lool da fay valeur day am valeur juridique mais lolou dafa may condition lolou moy il faut que d'abord mu leer ne yeen manam yeen tou sallama téré nako par exemple wax nako ba paré jarum koy waxat comme tay par exemple bu diglé nit dara bu digalé kenn dal koka dem après mu délu soit défar la même chose yeen tou sallama bu ko waxul lolou tekkiwul né lolou baxna benen bi ci dess mom moy il faut que par exemple kokou nek julit lo tax hadith bobu non yowoti bi di wax na yalla dafa yekati souf si ci baram am tourne yor ko moy hadith bobu nga xamantene day wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala wala dafa jëm suuf ci ak ci ben baramam yëkëti ko tek ko ci tek bi nanga et cetera ba yent bi sallallahu alayhi wa sallam ray ko dal ni wa ma qadarullahu haqa qadrihi xam nga waxu ne ko li nga wax baaxul wala yoy mais légui lolu lolu mënuñ ko tuddé takrir bo xamanteni dañ nan yent sallallahu alayhi wa sallam dafa saxal nit ki wax doon lutax parce que yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom yowori lim len di wo dabar mom moy ñu teggu ci yoon wuju bi ñu gëm legi su fekkete ne lool defu ñuko manam koku lim wax yowor bobu lim wax lool tekkelu ne yendu sa sa da ka deugal parce que tay par exemple buñ xolé lool motax cadre figure bu am solo la parce que comme ci hadith bobu da nga gis souvent wahabi di lañ ci sukkandiko pour wax ne wala manam mujassima yi dañ ci sukkandiko pour wax ne yalla dafa may baram ak loxo bo xamantene tank bu reel la nangam nangam ek ci kaw asaman la nek bu top fof parce que lolu mo motax manam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lan la moy ne kon yeewor bi bimu waxe lolu bu dul won deug yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dañ ne lolu deug dana la wax ne lolu deug mais lolu du dalil lutax parce que un liñ la wax da wax ñaaral bi mom moy ci jëf doxalul yeen bi sallallahu alayhi wa sallam wané na né du dal parce que yeen sallallahu alayhi wa sallam dako né né wa ma qadarullah qadri manam joxuñu yalla deug deug geudum manam joxuñu ko yalla geud gi nga xamne mom lañ ko wara jox légui lool buñu xolé lutax jox loolu mu am solo lutax sens bobu wax joju am solo moy né régi tekkeliwul né yen sa salam dafa deugal wax ji da contane ci wax motax mu re han tekkelu wul ne da contane ci wax ji motax mu re mais li tax mu re moy dafa manam re dafa bari ay façon voilà non mais di dal genre re bobu amna xam nga amna re bo xamantene dama lay re parce que dama contane amna re bo xamne dama re parce que li nga def da re amna lo xamantene dama re parce que dama de gui dal ci dal mo doy war quoi han ironie voilà ironie la mais amna benen re bo xamantene moy dama mer amna benen re bo xamne re wo mo rew ko mer day say ay re ak façon la donc rien que yentou sallam dafa re rek lolou tekkelawul ne li hein kene li yow bi wax deug la ba bare liñ ci tek day deugural ni effectivement yow bi wax du deug parce que dafa ne mais joxuñu nattuñu yalla deug nim ko wara natte alors que wa bi di ñom niñ koy comprendre moy ne nit ñi ñoo xamul yalla mais que yalla nimu foré taxna ba mom baramam benn baram la yëkëti asaman ak suusi wala suusi nang xam nga lool manam ñom non lañu comprendre wax di alors que wax di du lool manam yoor yi lay wax ne gaay ñom xamuñu li yalla joxuñu yalla gëdëm wala ala kulli hal han lay delo tam ci hadith bu muy wax yahudi ki masalan bu len deugal bu len weddi wala exactement wala hadith sunan tirmidhi bobu rahmatullah alayhi effectivement ne yent bi sallallahu alayhi wasallam ne effectivement bu yahudi ak nasaran ne buñ waxe manam bu joxe information bu len deugal bu len weddi parce que lutax parce que liñuy wax yépp du lepp mo fu mais liñuy wax yépp tamit du lepp moy deug kon yow li ngay mëna def rek moy lo xamantene motax bu yëngu bi sa moy yoor yi information yi tukki ci ñom motax ñetti cadre figure la ñett la dafa am li nga xamantene leer na manam dafa depp ak lo xamantene ñu ci alcorane wala bok yëngu bi wax na sallallahu alayhi wasallam manam depp na alcorane sunna lool dañ koy accepter d'ambre dana yow di wala nasara yi li ñu nekkal li ñu wax ni deug la parce que alcorane wax nako yent bi wax nako li nga xamantene tamit def ci ñaarel catégorie moy li nga xamne dafa contrat totalement li ñew ci alcorane wala ñu ci sunna yi sallallahu alayhi wasallam lool mo ñu ko nangu ci xal ben xal ci xal dañ nan li ñu wax kat du deug comme li demé nek ne daj ne da yent yi Allah Isa dañ ko daj ay sallam wala yu mel non wala wax nan doomu yalla la yoy lool mo ñu ko nangu lutax da da contrera bi nga xamne dafa ñew ci alcorane ci ñeen debi sallallahu alayhi wasallam legui yeneen yi ci dess yi nga xamantene nangum ay information la yu global yo xamantene ay par yenn information wala yenn histoire yi lañu netali ci yenn yenente yalla ibrahim sallallahu alayhi wasallam yo xamne ñu mënu ñoo xamne ndax lool mën na nek deug wala def lool mom lu muy kass ki dafa jël han ah leng ba deng xam nga lolu manam yoy non nga xamantene ñun mënuñu ci xam manam mënuñu xam li ci deug bi ci lu deug nañu def rek niñu taxadu ñu tawakkuf manam moy dañu taxaw rek de ya li ñun mënuñu ci xam lan mom mo ci deug lu deug dañu nopi rek baye fal te lolu dafa am solo ci lu ne manam information bo xamantene yow mëno ci xam li ci deug lu ci dul deug lu ci gën mom moy nga lay rek man xawma waaw nga mandu ci rek comme niñ ko waxe voilà wala kon saxal yeralti bi sallalahu alayhi wasallam manam ak saxalam dara lolu ap atté la manam tay bu fekkene dañ wax né yeralti bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax dara dafa fekké dara bu fekkene lolu ap julit la nangam manam ci condition yi ñu wax lolu day daal nek lo xamantene day wala ni saxal nako lolu day wala ni deug la wala wala ci kaw lolu kon li nga xamantene mom moy dañu warone gis ci masala yi ci walu usul bi alhamdullah kon legui comme ñu xawul wa dem na keng wala et que hadith bi nga xamantene wala ñaari hadith yi nga xamantene mom lañ nekkon dañuy woné tamit manam li nga xamné non la borom subhanahu wa ta'ala di yittéwo mbiru jaamam yi manam que yannati bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene tamit non la nekk ko xamné dañ ko yoni ngir yermane parce que bu fekkentene dafa yittéwo ci suñu mbir ba nga xamantene lo xamné sobe la wala baaxut ci ñun daf ñu koy téré né li kat bu len baaxul yalla yentim sa sam dañ len ko téré ndax ke sobe la lolu day woné deug deug li nga xamantene nonu la wala non lañu yitté wo suñu mbir ñaaral bi ci def mom moy bokku na ci li nga xamné tamit matna bayyi xel ci ngir tej ko moy yentim bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamantene non la amé doole ak ni nga xamantene non la amé gëdd fa borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamantene ñoom ñaar manam dañ leen di lekkale bo leen ci anam go xamantene ben lañuy doon ndax comme lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne yalla ak yenentam bi téré nañ leen nangam lolu limi tek moy comme ni ko waxe yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré nañ leen yaqku mbam suf lolu moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa jeex ci borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamantene dinañ man ne yalla téré na ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré na te buñu waxe lolu yep ñoom ñaar ki ñu wax ni wax kenn la motax yentou sa sall ñukoy wax ash-shari'a te pourtant ash-shari'a moy borom bi le législateur moy ki teurul atay ndax yentou bi sallalahu alayhi wasallam lepp lo xamantene daf ko wax wala daf ko def koku borom bi moko wax moko def comme ni nga xamantene nonu la alquran waxe lolu ne innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una allaha yadullahi fawqa aydihim ni nga xamne ñoy jaayante ak yow yentou bi sallalahu alayhi wasallam amul leneen lu ñu def lu dul jaayante ak yalla kesse lutax ñu ne loxol yalla mo teggu ci sen kaw loxo andak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo don jayante ak ñom mo don jël sen loxom diko joxante ak ñom waye yalla neena loxo bobu don joxante ak yeen loxo du manam sama loxo la man yalla koku lolu moy texene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jeex ci borom ba xamantene lepp lu mu wax ak lu mu def yalla moko wax yenente manam yalla moko def te lolu nonu day tekkel kon manam ni nga xamantene non lañ ko wara topé tamit ak non lañ ko wara fonk ak non lañ ko wara jappé dé que té subhanallah da ngay gis né day wax né buñu xolé fofu yépp da ngay gis né waxul utiliser wul benen terme benen expression luddul ni utiliser batu yalla ci jëm bopam ci touram bi nga xamné mom moy bi gëna mag ci touri té mom moy Allah manam moy né touram bi nga xamné na dëgg dëgg mom non la tuddu parce que yenen yi ci dess ay tour attribut la ke yenen yoy mais Allah mom alamu ala zaat la manam mom moy mandal nga bi ñu xamé ni ki moy djum voilà voilà kon bobu mom moy tour yalla ce qui veut dire que ni kon yenen tibi sallalahu alayhi wasallam il faut que ñu baye xel lolu ci mom manam ñu bañ ko jappé comme rek ko xamantene dañuy japp né voilà des djum des ki des def ni et cetera mom dafa am ben dafa am luñu wax yasma ak masumiya manam infallibilité ak indefectibilité manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la mel kenen nak kudul mom nak mom man na djum waye yenenbi mom sallallahu alayhi wasallam mom du djum manam lepp lum wax lepp lumu def non la yalla ko def yenenbi mom manam yalla moko wax yalla ko def yalla mom moko yonne yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mo yalla mom la yoni mom moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom lañu wax rasulullah yalla mom la yoni ci mbolam minde fi lolou nak yoni gi mu len yoni ci minde fi manam daf leena yoni d'abord daf ko yoni ci lu ñepp xam ci zahir lo xamantene manam yoni moy daf ko jox message bo xamantene dafa ñew joxe ko ñepp war ko meuna tey war ko japp war ko jëfëndiko war ko bañ bayyi xel war ko bañ yamale ak leneen waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam tolowul ak waxu keneen ak ko ku mu mana don amma nak benen war niki nonu jëfë yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekk dalil ni mu nekk argument tolowul ak waxu keneen ak jëfë keneen kepp ko xamantene yow ya wax li yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam yow ya am deug kepp ko xamantene da nga wuté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci say wax wala ci say jëf yow ya djum ak ko mana don est xamé lan moy baat ko meuna do moy kenn gennu ci voilà légui ki kon yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam tamit mom moy centre kon bi nga xamantene mom la yalla manam mom la yalla jël mu def ko intermédiaire entre ñun ak mom mu jël ko nga xamantene nonu nak lolu nonu mu def nak ci ñun nonu la doxale ak no ak mom nak manam ci mbolam minde fi amul ben atome particule atome bu nek ci univers bu lu meuna doon bu yalla bind ci aduna ak alakhirah ak la ca sek gannaaw avant aduna avant allah ba ca gannaaw alakhirah amul dara luy xew ludul ne lan yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom la yalla jël mu nek dox digeentem ak lola wala khul mon ko lolu moy parti biñu jikko biñu rombon sank khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wax len ne len su fekente ne da ngay na sopp yalla top len mo man yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee yalla dana len sopp te dana len djegal sen bakare lolu mom moy li nga xamne mom mo wara nek manam am kon ñun lolu dañ ko wara comprendre ci lepp motax motax nga gis ne ci hadith bi mu waxe sayyidna Abu Talha radhiyallahu ta'ala mu waxugo ne ko yalla daf la yalla len tereli wala mu ne ko man ma benen yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoo len tere nangam comme ni nga xamantene non lañ ko gisee moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam da fay tere day haramal day faratal day tegaté lepp lo xamantene wi doxal nako até nako yalla da koy weyel mom moy ki nga xamantene amul lu muy até lu muy doxal luddul yalla da koy weyel lu yalla da koy weyel wala lo xamantene tay bu ko waxe même bu fekkontene naru won nek lola xolal lim wax qad nara taqalluba wajhika fi sama fala nuwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah yenenbi sallallahu alayhi wasallam de ngeen ko alquran wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñ tan julli dañ tan djublu baytul maqdis jerusalem waxul le fait que mu don xol ci asaman ci di xalat ne xeyna wax yu dana yexse pour wax ko ne ko ne legui de djublu ci kaabe beug giim ko beug kess motax yalla wacce ko ne gis nañ ni dow da nga beug lolu gis nañ ni ngay legui djublu kaabe voilà amul lenn lo xamantene yalla manam day aju ci dugal left off amul dara lo xamantene yalla manam yentibi kon sallallahu alayhi wasallam daf koy dox manam ci zahir ak ci batin lulul ne yentibi manam yalla manam ci wala yalla da koy def lulul de ci yentibi da koy jaaral kon lolou sallallahu alaihi wasallam motax kon il faut ñu xam geudum manam ñu bañ ko di bo motax bo xolé alquran ki sa hadith yentibi sallallahu alaihi wasallam sahaba ay radhiyallahu anhum non lañ ko xam won non lañ ko bëggoon non lañ ko jappo amul kenn ci ñom ko xamantene ku dul yentibi sallallahu alaihi wasallam moko gënal bopam mo gënal dayam gënal ko bayam gënal ko ay domam gënal ko alalam gënal ko mom leppam gënal ko ba gënal ko bopam amul kenn ci ñom lu non la lol mom non la incarné won non la don doxale non la xamna ni yanti bi sallallahu alayhi wasallam mo te lolu dafa wi ba ci at-shari'i motax yanti sallallahu alayhi wasallam mom mo am droit yu bare yo xamantene keneen ku dul yanti bi amul droit motax yanti bi sallallahu alayhi wasallam tay manam bu gisoon kenn ci nit ki bu amone kenn manam alalu nit ñi comme annabi awla bil mu'minina min anfusihim yanti bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna yeey ci julli ñi ci seen bop tay buñu xolone yenenbi sallallahu alayhi wasallam tay suñu won né dafa sox dafa manam gis la nga yor dara geur nga yor sa keur yor say auto yor say fi yep mu ñew né dama ko bëgg day daali haram ci yow yoy yep day daali haram nga jëfëndiko ko da ngay gën dem sa yow voilà parce que mom mo gëna yeey ci juri ñi ci ki mom and ak lolu yep comme nga xam na hadjar rahmatullah alayhi yenenbi sallallahu alayhi wasallam musul jëfëndiko prérogative bop bi nga xamantene and ak limu am ci ay sahaba radhiyallahu anhu ño xamne borom mi alal lañ bi mi genn aduna mbubum ko ngam dañ ko tayle dako tayle ci ben yehoot ha bi mi genn aduna ben mbub ko ngam fek nako mu nek ci ben loxol yehoot bo xamne dako ko tayle ndama ma tayle wala dama bëgg nga dama lay dama fi bayyi li nga lebal ma nangam wa question wala andak ne mu tay bu ne won ah waxuma la mais ga buñu yegol ne soxla na rek yek rek kon ken waxatu sallallahu alaihi wasallam ala na al hukmu bi sihhati wa dhafi ala zahirihi la al qat'a illa ma hawa kitab muslimin aw al ju' fi siwa man taqadu wa bi salah rajaha bum tek bim nan keni wir hadith ak nek wirum ate giñ ci ate lolu ci ci ñu wax ko rafet lañ koy tek manam al hukmu bi sihhati wa dhafi ala zahirihi ci zahir bi la bok astaghfirullah ci zahir gi la moy na lan ma xam nga fimu tollu dafa am yo xam tane soko gisee zahir bi rek nga meuna atté munoone xam nga tay fimu tollu buma gisee buma taxawé fi ci kibi am ben way bu rombu ak auto diko dawal ben waji tok ci wedd man limu meuna atté moy ne ki di dawal mom auto bi ki ci tek ci wedd di lañ koy ubal wala yu mel lol la meuna atté ndax lool moy zahir bi li feñ ba kérok moy am argument bu moy wané ma a ndégg té kat auto bi kéxu mom tay bu mo la féké nga dëkk ci bénn kër dama nan kër gi yow ya ko mom ya ko parce que ya ci dëkk soit donc ya ko mom wala ya ko louy ndax ya ci dëkk mais man na nek né ndégg té dëkk ndëkk té du sa kër xam nga lool man na né mais zahir bi moy li wala yu mel non tay bu mo féké tamit ko xamanté la tool bi depuis ay année mom rek mom mo koy bay kenen duko bay mom rek moko ñek ba bare mom mo fay dawal ay autorité dama nan tool bi ka toolu diw la mais lolu zahir la parce que amu preuve bu may wane mo waji mom tool bi mais zahir bi lolu la lolu mom moy li zahir moy fe li feñ ci mbiri lolu nak até mais hadith bi wirna ak wiru ci zahir bi lay aji manam moy argument yi nga xamantene moy yi nga xamantene mom lañu yor ki ñu yor moyen de vérification yi ñu yor wala scanner yi ñu yor dañuy wone li mo xew tay fu toll nit bu fébaré dem hôpital ñu daal dikoy defal ben scanner résultat bu génné zahir bi moy né limu wax né lolo dal waji lolo ko dal lool moy résultat bi lool moy zahir mais amul dara lo xamantene mën nañ tay mënuma taxaw wat jël sa ko loxo dugul ko ci tal bi wat mais waji li yoko dal and ak ne scanner yi loolu genn manam mais comme amuñu benn moyen pour mëna xam information bi wërna wala wërul loolul jël nit ki dugul ko scanner ko deng résultat bi muy genné ñun résultat bobu lañ mën fiew mënuñu fiewu ci lene wala tay fim tolu ben way buñu ñëwé ñu dal di koy diagnostiquer ni kat waji liko dal kat diabète la wala cancer benen way duñu feul ni non non non sida la alors que liko scanner liñu diagnostiquer moy né diabète la wala cancer mais nunu ñu fiéwu lunu ne ki à partir de diabète bi wala symptôme yu ko dal ni ki li ko dal waji bop bi day metti de nga yaram bi commencer melni articulation dafa melni nu xawa luy metti fofu tamit doole ji wagneku ak yu mel non mu xaw mel ku sax ni mais dañ nane ki la ci buru xam nga lolu manam lolu manam parce que ñun pourtant amul dara luñu mëna taxaw waat ay ki ci buru roko dal mais symptôme yi ñu gis ci mom ñun lolu lañ mëna xam ne ki dafa ci buru lolu nak mom mo am ci hadith tamit manam hadith dafa am ay règle yo xamantene ben genre machine la buñu tek en place bo xamantene pièce bu ci nek dafa am lu muy jouer ci machine bi de telle sorte que bu résultat final bi dañu am luñu tuddé mustalahul hadith manam moy wala ilmul hadith wala ilmul hadith wala ilm mustalahul hadith moy xam xam bi nga xamantene mom lañu mëna xamé hadith bi kat terminologie affaire yi ci aju xam xam bi ci aju et cetera nan lañu mëna xamé ni wërna wala wër légui hadith bu ñew dama koy duggal ci règle yoy règle manam bi nga xamne mom mo consulter machine mo jëlé machine bi duggal après buma génné le ben résultat mo résultat bu lay baye xel lan la voilà résultat bu may baye xel nak mom mo tuddu mom lim may jox moy né hadith bi wërna wala wërut wala bu amé sik mu né ma sik bi li la wala hadith bi su fekkenté né wërul da na né ma ah li day li motax wërut comme ni nga xamanté non ngay démé ci hôpital da médecin bi def ben ki xol sa yaram bi fune mu dugg fa lu ne mu duggal na ci machine yi et cetera bu genné résultat bi day daadi mëna tax di diagnostic général ni ha waji day yow day wër nga mom amul problème mën nga dem sa yaram bu fekké té nak am nga problème da na la yow kat sa li moy mom moy sa fièvre nangam nangam lool mom mo ñun mom même chose mom mo ñu dal ci sa mom lañ am ci hadith maintenant si ça se trouve que def nañ expertise bobu ci hadith ba am ko dañuy daal mëna sukkandiko ci lool mais li nga xamantene mom la xala fi wax rahmatullahi lool tamit wax nañ ko mais motax yeneen borom xam bi critiquer wuñ len ci lool dañ ne rek d'accorduñ ak ñom moy ne liñ wax dafa mata baye xel moy dañ ne comme que mbir mi ci zahir bi rek la mënu ñu ko wat alors que li mom mën nañu wat ne waxu yalla la xam nga li nga xamantene man mën na wat ne li waxu yalla la bokut legi xamantene xam nga tay fim tol tay dama lay jox ben ñaar exemple ni ap 11 septembre 11 septembre fim tol kenn ci ñun mënu douté ji dé existé la la ko waralak lan mo xew ak yoy lañ mëna douté mais ndax ab yoy jël na door nañ tour yi mo mënu fi douté mu tawatir la télé yépp ko wone ñu gis ko jakkal ak mom manam tim wala lool mo mënu ñu douté ji né tour yi mu door nañ ko ba mu daan wala legui la legui kan ko door fuñ ko doore kan moko waral lu ko commander fe lolu lañ mëna am ay doute mais door bi mom mënu ñu ko am doute legui contrairement ak tay ndax individu yi dem nañ ci wër lolu par exemple mënu ñu ci douté malgré que télé yi woné nañ ko nangam mais lutax parce que mëna ñu amuñu lu ñu palper ci affaire bi maintenant bu fekkenté né ñun dañoo fiéwu ci information bi ñu téré bi dox ba tax ñu saxal ko tay bu fekkenté né ñom ñaar dañoo am ay éléments yu contradictoire damay daldi wadal be japp ci bi manam bi ni pour mou remettre en cause dara ci li dafa wara nek lo xamanteni lu wor la wara don en fait ñom lool lañ wax c'est à dire que dañ japp ne ki kene tay par exemple wala même exemple bi tay xam nga ci 11 septembre bi tay 11 septembre gaay neena al qaeda dañ ñoko legi bu tay fim tollu buma amone ben element bu tax muy me remettre en cause sur le fait que al qaeda moko def rek dama dadi mabal tour yi ma ci do joxul yep han dadi saxal keni rek mo am legui man limu meuna fiewu dal li la comme li la meuna fiewu donc na japp ci lolu voilà affaire bi lolu la demé manam moy ne hadith bi yenen bi sallalahu alayhi wasallam moko wax ñun gem nañ ko ñom dañ nan la gem nañ ko deugul nañ mais mu tax ñu remettre en cause wala ñu am ben particularité bu ñuy def ci li nga xamantene dafa sax ci saxin wo xamantene ken mënu jëgute ci sahir bo xamne kenn mënu ci dutte yeenbi sallallahu alayhi wasallam nak gëm nañ ko dañ koy deggal dañ koy xé mais ñun du yeenbi sallallahu buñu leeroné wax ji dafa juggé ci yeenbi sallallahu alayhi wasallam ci anam go xamantene ñi ko netti juumuñu ci benn yoon ci wax ji buñu leeroné ci anam gogu rek kon du am problème day daal ji mais leer gogu mom moy problème bi parce que tay fim tollu ak ku lu nit mag lu woor man na netal fek na mu netale dafa jaawale dafa joom ba pare ñoom tamit dañu ne attention affaire bi ñoom loolu nonu ben element rek ne ci li tax ñu dindi ko ñu d'accorduñ ci lool parce que amna benen element bo xamantene motax moy dañ japp ne mbir mi man nañ ko interpréter moy ne hadith bobu non man nañ ko interpréter tay hadith bi man na ko interpréter nenene moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam de dafa ni julli amul manam tekki wul ne julli gu werr modul am mais julli gu mat manam a 100% modul am lolou man nagn ko interpréter non ce qui veut dire que ni ñom kon manam jëfëndiko dañ hadith bi mais niko gaay bëgg dégg ñom lolou lañ nangul au moment où alcorane dafa saxal né lé né la dégg comprendre nga voilà manam en gros lolou la manam li ma wax nak le tékkélé wul né dama wax né dama ki dama lay expliquer rek argumentation bi ni mu démé manam pa que dama saxal wax jojo voilà wallahu ta'ala a'lam voilà Allah ta'ala a'lam ben di moy day lak ndax dombu jalo ndax mën na nek imam dafa am lu mata baye xam imam dafa nek nit ko xamantene dañ koy manam imam biñuy wax nak nekul imam ko gaay lañu julli rek am nañu ko ñu jital kenn du imam bobu motax ñu wax mais imam bi ñi wax fi ni manam parce que imam bobu ñepp mëna ko doon manam fu condition rek moy fal ya ummukum aqra'akum bi kitabillah voilà lolu yalla sa salam lolu wax ci leen gëna xam téré yalla bi nako ñu jité manam doomu jallo bu fekke jang na xamna alwa xamna sunna yalla sa salam xamna li aji jul ci mu gëna xam ci mbolo mom day jité lolu amul ben problème amul problème maintenant fi nga xamanteni mom la problème bi amé moy buñu waré fal imam ratib par exemple né par exemple dëkk bi kat manam ñu né imam ali yom bu boba dañuy daal di soxla ko xamanteni duñu am lenn lo xamanteni dañ ko fay jaara di jam julli ñi wala yu mel non manam xépp ben réputation ben respectabilité ben lolu mom ci buntu bobu ci lañuy waxé ndax doomu jaalo da na nek imam wa wala def buntu bobu la il faut ñu bayyi xel lool point bobu mom lolu nak ci la borom xam xam bi rahmatullah alayhim di waxé né lolu mom lañ wax né waxu ñu mënul nek imam dañ ni sip nañu mu nek imam bi lolu motax ñu koy wax wallahu ta'ala a'lam wa ben ki lé lak mune dafa lek sip nañu c'est prohibé oui mais pourquoi mais parce que mais voilà c'est à dire que sur son manam mom ni mu don son hein origine voilà origine ni mu mel ça voilà en tout cas du ko xamantene tay manam voilà day am ben respectabilité bi voilà parce que tay par exemple nit ko xamantene dafa nek doomu ndialo day gis en tout cas ba bu yambul dara ba danaka legui sax da ngay gis da koy def manam dañ koy xasse nit dañu xasse nit ne ko yow doomu jalo nga wa du don mais du don papam mais dina don yaayam voilà mais parce que tout simplement voilà question bobu la maintenant lolu mom motax donc buñu amé keneen ko xamantene amna manam mom amna même compétence ko xamantene mom askaram manam tabarkallah djugna ñu tan ko au lieu de mom lool yaakarna c'est voilà c'est raisonnable voilà taala si si en termes de savoir de connaissance il est plus haut que les autres waaw mais sinon ça mais amnañu keneen ko xamantene amna compétence yu permettre mu meuna nek imam ratib bi il faut bien savoir li ma wax imam ratib moy imam dekk bi c'est quelqu'un mo am la référence ultime de ci dekk bi kokku nonu il faut choisir une personne bo xamantene manam lolu du ba pare du obligation c'est prohibé c'est-à-dire que si on n'a pas autre chose voilà c'est blâmable si on n'a pas autre chose on le fera mais si voilà voilà mais suñu amé kenen ko xamné na man na taxaw taxway bobu kokku lañuy jël lool lañu wax té voilà je pense que lool tamit c'est raisonnable c'est connu et que aussi parce que aussi il faut savoir une chose moy dégradation des mœurs bi am instant bi d'ailleurs des luttes contre l'eau de lutter contre la dégradation des mœurs. Ah oui. Voilà. Parce que vous faites quelqu'un. C'est quelque chose de connu. Et dans toutes les sociétés, c'était connu. Il n'y a que récemment. Parce que même les lois, la loi là, qui ici en France, bien maintenant, mon mot est dans mon dialogue, nous manquons le tour ou papa. Alors, il y a boulot. C'est vers les 2004-2006. Voilà, enfant naturel. Nous, comme nous l'avons dit. Mais nous, nous n'avons pas papa. On écrit, moi-même, j'ai vu une émission à la télévision où l'enfant disait que voilà, mon père présentait moi qui, émission Biki dans le Jean-Luc Delarue, de France 2. Voilà. Ouais, 8 ans, moi, quand je suis en classe, voilà, les gens me demandent. Parce que quand on donne des fiches là, on voit quoi, d'où, faire, tel. Et moi, on me demande, jamais on écrit le nom de mon père. Quand on me demande, mais pourquoi, parce que je n'ai pas de père, mon père et ma mère. Voilà. Oh, mon papa. Voilà. Et ça, mon petit papa, de quoi affecter? Voilà, le fait que à mon papa et que pourtant xam na papa mais comme que doomu orjole yalla na pour des droits de l'homme, l'Union européenne, c'est l'accent du fils en blanc. Voilà. Parce que c'est connu, lol, parce que. Qui le quoi? Et puis ça évite de faire l'apologie de la dégradation des mœurs. Etc. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Lolu su fekente na daf ko tay su de tayuko dara du ko ci war ndax imam bi mom mo koy gadul mbir parce que ki njumte maamum bi imam bi moko yanul su fekente na bokul ci ponk yi tay sey tay ma amna lo xamne dana imam bi munu ko yalul maamum bi motay par exemple maamum bi ruko manam imam bi ruko ki jokki nangam mo ñu ci jot maamum bi ruko wul ben yoon voilà bu boba manam mu su jot directement te ruko wul wala jugul ci ruko mo gi mel non kofu imam bi du ko meena yalul wala su jotul ben su jot defu ko ben wala yu mel non ma lo xamne ponk la lolu imam bi du ko yanu bay melni rakabu bindu ko mais li nga xamne mom la ko yanu mom moy yenen djumti voilà li nga xamne du ñoy ponk legui mu lol moy su fekkante ne kon dafa lan tay ko bu woba do def dara mais su ko tayé djullem day yaqku bu dé mom dong la djullem day yaqku té temu tay ko la wax non bu dé nak imam dafa am dañ ko djité sax la wax temu tay ko djullem day yaqku lu tax parce que daf ci duggal ci djulli gi du bokku comme ni gaala bala wala ma ko mëna chaadul na yoy yépp bokku ci lolu amul rotul fenn wirul sax nit ñi dañ koy wax ni rek waawam yi ñoko saxal moy ñi nga xamne jangu ñu ñom ñoko ñoko ñoko netal diko wax diko waxat waaw ha mo tay ko waaw mom jullim day daal yaq ñi ci dess voilà buñ waxé buñ tuddé yentibi sallallahu alayhi wasallam ngani sallallahu alayhi wasallam lolu julli gogou su fekkante ne tayoko mok atté bi ñoyam du yaq mais su dé yaqo tay dé yaq julli lutax lutax c'est important parce que ga ñuy wax yoyu souvent day fiñu tukk diko moy fi l'imam al-akhdar yi rahmatullah alayhi bind ci ci terem bi moy mukhtasaram bi mais buñu waxe buñ tuddé sey tour sayyidna muhammad ngani sallallahu alayhi wasallam sa julli du yaq mais imam al-akhdar yi rahmatullah alayhi bimu koy wax waxul da ngay gis ne do fim ko indi moy ci babu sahm buntu jamut lako indi manam buntu erreur c'est à dire que par erreur nga wax ko sa julli du yaq mais indi wuko ci fiñu xamantene ci ñu sopp ci julli wala fiñ ko yi ñi def wala yu mel non indi wuko fofu fim ko indi moy ni pour buñu djumé té lolu lu mata baye xel la parce que ñu bari dañ fogné dañu manam lolu mo motax compréhension yi wara lolu tax ñu wara comprendre aussi tir yi ñi tang ak li nga xamantene mom lañ ci wax lan motax ñu koy wax et cetera wax ju nek lutax ñu duggal ko ci buntu bi wala lolo tax mom moy lolo tamit moy intérêt wu classifier wax bu ne gi ci chapitre manam téré ñu xajalé ko en chapitre en sous chapitre et cetera parce que lolo moy intérêt bi sino do am jariñ wala lolo parce que lutax parce que yentou bi sallalahu alayhi wasallam bi kaw bi ñëwé moy bi kaw kaw bi di julli ba mu tissol na alhamdullilah ko ba gaay nan ko gaay ko diko xaw ki yoy yentou bi sallalahu alayhi wasallam daf ni ko julli li julli la tud inna hadhihi salat la yusluha kathirun min aqwalin nas inna ma hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatu alquran li julli la tud yenen wax yi nit ñi di wax yépp du ko yewenal du ko baxal sabbal la sant yalla ak jang alquran man kon lolu nga xamantene mom la wax nonu lolu yaqul julle wu lutax parce que xamul won ne lolu da yaq julle te tayuko contrairement ak tay bu fekkante dama xamne li baxul day yaq wala wax la juma yok julli gi ma dem wax ko nonu ba ba da yaq sama julli mu leer mani wax sallallahu alayhi wasallam bokul ci julli gi ma diko ci wax daf ko yaq wallahu ta'ala wa parce que hadith le bo xamantene deug la Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu mom mo wax yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko sama julli yeb dama koy def ci ñew manam lolu ajal la ko salati kullaha yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhan yakfika hammad dunya wal akhirah lol da nga la fegalal a problème aduna yi alakhira yeb parce que lutax parce que moment bi nga xamantene mom ngay julli parti bu ci nek daf ci duggal ay salatu ala nabi lol mom moko indi et que salatu ala nabi yoy nga xamantene lol deggin na ben deggin na ci deggin hadith bi amna yeneen ni deggin yo xamantene bokku na ci moy julli bi moy ne day julli ci yalla sallallahu alayhi wasallam tout temps parce que daf niko damay def sama julli dama sa tier bi la koy defal munako waw baxna mais so defon lu upp moy gën ci yow munako kon nak sama genn walu julli yeb dama koy def ci yow munako waw mais mo defel lu upp mo gën ci yow et cetera mu top nonu ba mais lolou dañ koy wax ci fouf duñ ko wax ci kaw mais bu fekkene dang koy wax ci kaw lolou mom daf koy yak parce que wax joju non waru ci nek amna différence ñaar entre yoy amna différence hadith bobu nak mom ñu la wax legui bu sayyidina ubay ibn ka'b radhiyallahu anhu ngi ci sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhi wallahu ta'ala alam waaw benen day lat ci mune est ce que mune ngi digay ci bëre bo xamanteni fay jaay ay am ay sangara place bo xamne dañu jaay sangara manam julit bi waru ko fréquenter c'est à dire que waru nek fo xamne da fay tok ngir ne manam moy fréquentation bo xamne fréquentation gratuite la voilà tok comme ni dem restaurant tok di ci ñu tek wala ci café yi mën na fa dem nan café te pourtant dañ fay jaay mais limu manul moy tok ak fiñ tok fiñ koy nané lool la manul manam togalé ak masalan ki nga xamantene day nan ñu tok tek ko ci batabal bi muy nan lool mo manuko mais kanta sangar manam maintenant à temps normal en temps normal fo xamantene manam manam dekk manam moy ne sangara ci jëmi bopam dañ koy téré complètement ci beur lolou bobu en temps normal place yo xamantene fofu lañ ko xamé comme tay par exemple boudé Sénégal tay par exemple du don de soin ay boîte de nuit lay don bu boba dem ci bla boîte de nuit yo day daal nek lo xamantene day daal haram lutax ndax tout simplement lañ fa nek yépp manam nuy jëmi ci téxé di la voilà ak bar yeen yoy mais kanta tay bu fekkentene fo xamantene manam restaurant rek la nga xamantene ki day jaay da lay proposer rek serviceum boba mën nga dem def jël li ngay jël mais do tok ak sangara ci manam do len bok mi ngi mel tay Carrefour day jaay sangara xam mais Carrefour tay bu fekkentene tay damay dem Carrefour di jënd ci matériel sama yi de après mo delu soit param kenn mënu mo wax ne ma amo droit dem dugg Carrefour parce que Carrefour sangara nga fa niki nonu non la mbir mi tamit demé ci place nga xamné dang koy liggéey dang ci liggéey tamit sous condition que mun baña nek sen ki général manam sen activité principale wala bok yow ci sa jëmi bop ngay dem bay jaay sangara ci parce que bu féké né yow ci sa bop da ngay jaay sangara ci dara haram nga jaay par exemple motax genre mel nonu mën nga fa liggéey en tant que par exemple gardien wala manam plongeur wala mel non mais mono fa liguer par exemple en tant que vendeur parce que lu tax voilà serveur tamit parce que da ngay servir sangara ci ramen yalla sam wallah wa dernière question fay la mune est mën nañu ñeexal heure bi lu fekkante ne dañu bëgg am mbolo wala fekké dañu nek ay cour yo xamé ci religion waaw lool mën na nek lool mom motax parce que heure julli dafa yaatu dafa yaatu en fait horaire yi du 2 minutes du 3 minutes du 4 minutes comme niko ñu awami bogué awami manam moy ñu jangul ñom souvent dañuy fogg ni heure julli bu montre bi defé ki 14h et quart manam ke ni 14h et quart yow manam bo toge ba 14h10 te julle go sax moy yow da fum tolo sagana nga julli gi wara raté nga ko alors que heure julli dafa yaa voilà comme ni takusan bi ni lay dem ba kéro jant bi di sax c'est à dire que fi ak ba mo 21h nanga ko fe voilà ce qui veut dire que takusan bi lay dem ba heure bob donc lolu lu mata baye xel bon maintenant c'est vrai que Mukhtar Taksan bi du dem ba 21h20 mais day ñew ba 21h10 par exemple parce que le temps que voilà donc lolu man na nek ci condition mais li man dané nak mom moy waxtu yi jall romb genn manam ba waxtu yi dem te julli wul ko lolu mo xaram lolu man tane comme li nga xamantene non lañuy gis leg ci yenn conférence religieuse yi am kéna nga xamantene dañuy tok gaay yi heure bi julli tiswar romb takusar wala bok takusar romb ba timis buñ dugg ci timis gi gaay julli timis ba paré et cetera yoy ti gaay julli wuñ lolu mom dafa xaram lolu mom lolu ma jotay bobu ci bopam mo xarama nek lu fu baye ta lolu manam jotay bobu ak kula ci mana wo dafa xaram yow ci sa jëmmi bop nga tok fa waxuma la nak di baña julli bi mom ko yaakaana ni bobu ñaar ñepp duñ ci yarante té loolu yéne sen tibbi gëna graw bu ñuy sagane barfa moy sakusan bi li yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam wax né man taraka salata al-asr faqad hadatha ghalu hadith bobu nek ci sahih mu imam bukhari rahmatullah alayhi yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam né kep ku baye julli takusan sa julli sa juf yi yakuna mam sa juf yi ngi jufun yi yakuna loolu borom xoxo rahmatullah am dañu wuti ci lan lay tekki. Est-ce que ce djuf yep mo yak wala sa djuf bi nga def ci bismi mo yak wala ba nga juddo ma legi djuf yo ma so djuf day yak borom xoxo bi rahmatullah wuté nañ ci ay wuté yu bari mais cheikh amou tidiane radhiyallahu ta'ala d'ailleurs majorité borom xoxo tam lool moy nek c'est la vie mais cheikh amou tidiane radhiyallahu comme ni ko waxe ci jawaye maani dafa ni loolu hadith bobu limi tek moy sa mbolam djuf yi ba nga juddo ba legi yak lool lay tek té loolu mom moy wax lu upp ci borom xoxo mi tamit rahmatullah ci hadith bobu wala ne da yakku jëf bokku na ci mom comme ci wala anama nazifi radhiyallahu ta'ala bokku na ci ñu ngi ci do na ci yakku taxu faré da bok wala wa tarku salat al-asr min ghayri allati ko baye julli takusan ci amul la cause bu wara tax manam cause bo xam tane cause sharia bu meuna nangula bo xam tane jall julli takusan da fay romb ba jant bi soti julli wulo ko lolu kep ko def ci beust tay ko amul cause bo xamantene bu sharia meuna nangula lolu sa julli da yakku sa li nga mësse def ci sa aduna ba nga juddo ba fi nga tollu day daal yaa imagine nak legui ñun ya subhanallah mais ban xel lañi ma ak ban façon xalaat lañ am manam imagine juste parce que dañ ni dañu wotel dañu def événement sangam wala xew bi xew diine la wala dañu wotel yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala lool yenente bi du ci contant la lool kepp ko xamé non du ci contant du tout da ci mer lool il faut ñu xam ko munu ñu tok wotel ne da yeen di sa sax lañu wotal wala benen evenement bo xamanteni lañu serigne diiw lañu wotal wala waxtaan bi kat waxtaanu diina la yalla lañuy ci jangale fi waxu yalla lañu fi ba bare ñu bayyi waxtu yi jallu rom ba takusan par exemple ba jant bi so gaay duggu ñu julli lolu kepp ko def na xam ni jëf yi mësoon jëf yépp annulé wu na yaqna comme ni nga yeen di bu moko sa xam ka xam ngeen mom la yalla ne du wax ci bakkanu ci waxu ci lu aju ci bakkanam lepp lu mu wax rek lan la mom wax yu la yalla ci bopum moko wax lolu da ko wara def legui nak beuri min beuri gis legui di liñuy gis lolu ak di gis ño xamantene manam yaakar nak ni waxeelu reference xana ci ñom la warona ñam ñukoy def lolu taxul mbir mi wañeku ci lu tollo xefa kepi wala lolu sa day aggraver mbir mi mais du ko woyfal dagay aggraver yalla nani yalla sam wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina wa ci ay bi ne pour mo la faté bu ñu yott ci mulla manam relation de cause à effet la bëgg fi cause moy nit ci moy bëgg yalla mais fin moy yalla koy bëgg kon mom kagne bëgg yalla wala bop fin ci ban étape lay bëgg yalla akhawa comprendre na ay xam yu bari la bon ben xam nga wote wo wakulluhum yad'i waslan bi layla wala la yad'um lahu wala yad'i lahum bi dhaqa kom ni ko way akat arab bi waxe kenn ku ci nek mi ngi wote wo ne da bëgg layla wala layla da ko bëgg mais layla taxawul ni kenn ci ñom la bëgg donc té mbir mi du bëgg layla mais mbir mi moy layla bëgg la yo xam waaw mbir mi yaakar na loolu la waaw kuy wax ne dafa bëgg yalla ki bi causalité bi ngay wax yow moy ne d'abord il faut ñu comprendre que ne yalla mom moy bëgg jambi bu bëgge jambi mom moy waral jambi wëlbeutiku bëgg yalla manam né fi ni da fay waxal ay bi déjà sababu nuzul ci wa ahlu kitab la wacce mo yow rek nasaran lool d'abord mo nekkon sababu nuzul né bu fekkante né wax ngeen ni da ngeena sopp yalla té li ngeen di woté deug la ci yeen manam c'est comme si day wax né prétention bi nak dul prétention yi wax né dama bëgg yalla bëgg yenenti bi sallallahu alayhi wasallam man lool dul bu wone dama bëgg il faut que mamana deugal mamana deugal né bëgg gi manam ma am luy wané ni li deug la moy luñu nane preuve d'amour voilà voilà parce que dama bëgg kessé duñ voilà parce que su doon lool la lool la moy ta'sir ilaha wa anta tufiru hubbahu ha nako la ko sa inna dhaaka fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ya ngay yow yaangi wax ni tout temps yow yaangi tout temps di moy yalla te yaangi wax ni dang ko sop dang ko beug muna watna ci yalla ne lolou buñu ko xolé ci natale ci geut ci natale rek lolou dafa tu manan ke dan ko mantane ndax nak muna parce que su fe continuer dang ko sop deug deug niñ ko top lutax parce que ki nga xamantene dafa sop day top ki mu sop wa wala wala da top ki mu sop lolou do problème tay man buma beugé xam ndax ki beug na ma wala det mais au moins da na ko jaral dara wala buma gisé ni nak mi ngi may jox ci temps ha waaw saay mo ko soxla wala mu baye limu jappone ñew nak daal di wote present wala bok su amul temps sax dina mo na no awmu temps nangam nga bal ma ba ci kanam tout nangam ma xamne ki mi may jox temps te temps bobu non mu may jox rek ah daf may wone mu ko ki la bëgg na parce que bu bëggul won duma jox da non ah oui voilà et cetera Ah la. Voilà. Hein? Mortar ou bien? Ah, har har ben pelo ko ti. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Lolu da ma préalable la. Ma mbir la mo xamantene tout temps ki la bëgg mom dang koy xam ki la bëgg ki nga xamantene bëggu la lay foxal kok dang koy xam ci rek mi ngeen di jëfëlante mi ngeen di jëw ak temps bi nga xamantene mom la lay nango jox ak tam tout temps le fait que muy def day bëgg tout temps dula neex di daf sa banex ah oui bu fekkante na lool man da nek lool mom moy bëgg gi muy woté wo amul ki daf may rax legi nak ma commencé sét lan moko wara duggal nak ci mo ne daf ma beug ma commencé analyser situation bobu mais voilà lool c'est le minimum bu fekkante ne yow ben de non nañ ko jël rek ci cadre figure yi ñu xam voilà bu fekkene na ndaw su mom suma ko wowe du wuyu suma ko sms du tontu suma ko mais tout temps néna man la bëgg suma ko invité mu wudal ma lay du ñu suma ne ko dana la lay set ci mu daal né non mais c'est que xam nga nangam nang mais señ bi dama daal di xam né non ki non ki bëgg non ko lom gis mo xala xala waa ki bëggul mais su fekkante suma ko soxla par exemple suma ko wowe 22h mu dadi tey waxtan bi ba 2h du matin 3h du matin ah wa demo amo la na ko ha ah oui waaw suma ne ko suma dina fa ñew mu ne ma naron na dem fo demé banako dal moy won la ma len di wo rek ne len graw nañ baye benen ñoo ah voilà hein Voilà. Voilà. Voilà. Hein? Kon man lol ci la xamé ni kon ah d'accord kon man kat ah degi dana wala ni lay damay def li yalla bëgg maintenant nak lol moy suma réclamé ni dama ko bëgg bu boba dama wara top yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que li ëpp solo du man mu bëgg yalla mais yalla bëgg mu mo ëpp solo comme niñ ko waxé sank voilà di wax na bëgg na layla rek lolu man amul manam amul intérêt bu bari bëgg layla amul intérêt bu bari mais layla bëgg ma lolu mom mo am intérêt hein fofu la ndariñ di nek voilà donc lolu voilà lolu moy ki bi moy manam ay mais plutôt ci lolu lay wax mais maintenant deug nak bëgg yalla mom moy bëgg jamm voilà yalla moy bëgg jamm bu ko bëggé nak mu do ko indi manam bëgg yalla mom mo jitu bëgg lu nekk voilà même hatta mom la manam même yentibi sallallahu alayhi wasallam manam bëgg gi mlay bëgg moy tax nga diko sok bëgg donc yow loko gën di bëgg c'est parce que mom dafa la bëgg motax wala niki nonu serigne yi deug ne yu mat yu magi non la tamit manam beug gi len beug c'est parce que ñom ñolo beug bo la ci seen bop ba pare motax nga ñew nga beug le mbir mi non lay dem wallahu ta'ala ne hadith yi wax ci kan ta'arifu ni allah ta'ala wala ma xamul no lan ma jamo bo wir ko legui sauf que maana bi wa hadith kursi moy luñu askan la yalla mais ki daf koy prouver mais manam hadith bi même bu wirul taxi alquran et hadith dañuy woné wax jojo manam mais une partie ci wax di manam fa ni ko ñen ñi di dégg ñen ñi ni ngui dégg moy né da nga wara xaar ba xam yalla ba nek arif do commencer jaamu yalla bobu mom dudul bobu waxu voilà mais xam bi nga xamantene mom mo wara jitu ci ma xam yalla moy xamné la ilaha illallah deugul xamne yentibi sallallahu alayhi wasallam yalla yonnako et cetera yoyu nga xamantene mom moy yi mat yi nga xamné primordial moy ma gëm yalla bobu xam xam mom moy bi primordial moy bi nga xamantene mom lolou suma ko amul effectivement duma meuna jamm yalla manam suma xamul nek yalla kenn la e ke yentibi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla yoni nangam lolou moko xamul manuma duma meuna jamm yalla mais tekiwul comme ne mi nga xamantene nek arif daali jew ñu dafa lay tar bi nangam ba nga nek arif nga doga man dem jamm ji yalla lolou parce que déjà lolou mënta am lolou mënta am sans préalable bi manam xam parce que loy gën di jaamu yalla di gëna top yoonu yentibi sallalahu alayhi wasallam ngay gëna xam yalla lokoy gëna xam di ko gëna ragal di gëna topat di gëna jaamu manam ben boucle la bo xamantene boucle la bu fermé bo xamantene entrée bi mo sortie bi ñoo bokk ay effet manam entrée bi day am effet di sortie bi c'est à dire que ni la déme nga xamantene entrée bi mom moy né damay xam luma xamé ni yalla la wara jabb wala bok may wala bu la nexé sax nga duggal fi entrée bi moy jabb après sortie bi moy buma né jabb sortie bi moy dama koy gëna xam luma koy gëna xam boucle bi fermé wat ñëwaat entrée moy dama koy gëna jabb wat moko jamwaté mu yokkat ma xam xam gogou moma yok moy koy gëna jamwat et cetera manam lolu mbir mi non la demé manam cycle la bo xamna boucle bi dafa fermé hein mais manuma munuma dem ci contrat bi munuma nay munuma tok rek nonou ne xaar na xaar ba ba li mat doga def le voilà legui nak kon voilà mais sens bi muy am kon ci lool la mais manam fi mi nekké deug lool par contre texte ci alcorane ak hadith yépp dañuy jappalé wax jodi mais kanta nak wax ji ci demu bopom di askana nak yent bi sala sala ne mom mo ne yalla mo wax lool mom amul du wiru wallahu ta'ala ala wala mer wa ge mi ngi tambale li ñu tuddé maghribu shafaq manam lueur rougeâtre yi am bu jant bi duggé xam nga bu jant bi duggé famuy duggé bok xolé da ngay gis day am xonk yoyu dañuy nekk ci guddi gi dañ ci xaw yagu tuti mais réen ben moment mu dañ complètement dootul déssati ben trace lolu bu amé lolu mom moy gé tambalé buñu démé nak ba génn walu guddi gi ci waxu lu ëpp ci borom xam xam yi rahmu tallahi té moy tamit amal na wax ji gëna dëgal wala cher bi ci waxu lenn ci maliki ak shafi parce que maliki rahmu tallahi ci euro gué muhtar bi fan kañ lay jéx dañ ci wuté ñom seen biir wala ci né cher bi la wala génn walu gi la mais amal na wax ji gëna dëgër moy li moy né nga julli ko ci cher bi manam ci fin ba ci finu cher bi mo gën mais ko mën nañ ko julli mu nekk ci muxtar ba tay ba ci genn walu guddi loolu mom moy muxtar bi fofu lay am loolu su amé yaang ci muxtaru bi kérok bo soko wesso dug nga ci daru rew ge ba kérok fajar di xam wallahu ta'ala am na ni wax wuro ngeen ci après ci reste deut lolou mom du deug lolou wéru après timis rek man nga julli ge wala 1 heure de temps après timis wala yoy lolou wéru c'est exceptionnel julli wala timis c'est mais cas de figure yi nga xam tane boole man na ne man nañ len boole ci heure bu ne ci ñom ñaar mais cas de figure yi nga xam ne boole amu ci bu ñu ci ne boba do len boole voilà Je suis venu à la maison. fo ñu gis la amna ay cadre figure yu am mais cadre figure yoy tekkiwul ne dama tok ni neen sa sam dafa tok julli jot timis mu ne gaay nañ julli ñu julli après ñu tok bam yag gey jotogu mu ne gaay nañ dug julli gey ñu julli gey dem sekkal du ko lool ah non lool yeen dug wa sam il faut mu leer lan la def ak lan la deful bolé bi def nako bolé na len heureu timis ak ci heureu gey yépp bolé yépp am nañ voilà voilà dans une lèvre D'accord, okay. Et je dis le il est poussé de du lieu alors alors du non parce que tu il parle les mots les deux en français les deux mots et du lieu et de sous lieu donc le lieu à la fin de la première phrase du premier tiers oui oui et c'est à la fin de ce premier tiers que s'arrête la fin de voilà. Oui, c'est ça. C'est que le problème de l'ol, moi, là, c'est l'ol, moi, comme je l'ai dit, c'est le carbone. Ce qui veut dire que ba paré dañ innahu la waqtaha lawla an ashqa ala ummati li moy waqtom bu fekkonté né won buguma won xatam sama taw xet manam moy né julli gey nga yexiku ba mu nek ci chatu muxtar mo gën mais genn walu gogou nonu ñu genn walu gi wala lu ko jégué comme ni sayyidat aisha radhiyallahu anha borom xam xam ki dañ koy tékké né manam comme hanabila yi ak hanafi rahmatullah alayhim ak mbolo ci malike yi rahmatullah dañ koy tekke ne ke ni moy genn walu manam buñu xajé julli waxtu yu ñetti xaj ci deuxième xaj bi la mais ci deuxième xaj bi nga xamantene dafa jégué tier bu mu ndëkk bi wa saaru ci deux tiers wala environ vers les deux tiers non avant la moitié mais avant la moitié ci deuxième tiers un demi la moitié avant un peu avant voilà un peu avant voilà voilà bon à la fin du premier tiers voilà et au début du deuxième tiers voilà lola à la fin du premier tiers et au début du deuxième tiers voilà donc voilà, lolu par contre ci état bi lolu dina possible en ce moment là lolu ko dina possible c'est à dire que ci état bi dina am moment yo xamantene avant ñu yegg ci yaru tiers bi ge du jotugo ci yaru boutique ge du jotugo dinañ wéssu ci yaru ge do ko jot hein ça te demande calcul là ça sont quoi la leur de guerre hein? Le tiers le premier tiers voilà alors que c'est le hein? La fin du premier tiers actuellement voilà donc c'est après voilà c'est donc avant mortan lol ça veut dire avant genn wall bi avant le misfu bi avant voilà, est-ce que comprendre nañ masala bi déjà? Voilà, bu ko comprendre li ci dess bax. Après voilà, après le reste on. Voilà. Bah ma. Amon na ben ci. Ah, légui ñox ñox. Légui mën nañu délu ci wat. Bah ma. Vous voyez le genre. sama question ci wirdu bi la won comme par exemple wirdu takusan bi ni waxtu bi duguna mais julle guma takusan ndax dana ko meuna def moy bu nit monoko voilà deuxième bi moy aussi ma wara liguey ma wara xey matin bi julli fajar ba gis ne temps bi pour mo wirdu sama xatna est ce man man na wax ni mo man na wirdu ci ligne deb rek wala ci sama bus le temps may yegg liguey ka lolu lolu mën na nek mais sous condition que mu nek lo xam da tay par exemple duma meun julli wat man duma meuna manam wirdu bu suma ko narul suma ko na def muxtar bi lay genn suma naray genn muxtar bi après manam moy ne par exemple mu leer man suma toge wirdu damay tardé et que buma wacce day fekk muxtar bi jeex boba meun na ko wirdu ci yoon bi parce que wirdu charte tok charte la ci wirdu bi mais du charte wu charte kamal la manam moy condition la bo xamné day parfaire wirdu bi mais du condition bo xamné day tax mu wir maintenant li tax ñukoy téré nak moy né bo saxo ci diko def lolu day tektale né yow wirdu bi joxoko gëdd parce que joxoko benn ful manam to parce que ba xamné té tok def ko charte bi nga xamné mom lañ la ko tégal né li ci lay maté defoko. Ce qui veut dire que à un moment donné, madame, des négligences, bon, on a quand même mon grave, des n'y a que négliger, t'as rien compris, madame, vous voyez, n'y a que négliger, d'abord beaucoup, c'est charte par contre, biba charte tout, il y a quand même tenu, nous étant quand même à l'est, t'as rien compris. Voilà, donc lola, lola mon mot, dire de l'or, voilà du nez qui m'étroit, voilà, lola mon moins problème, mais sous fait qu'un tenu. Donc amul ki mu tuddou voilà su fekkante ne cas de figure yu mel non la même bu la day dal tous les jours du graw mais fimi grawé moy su fekkante ne dang ko tam rek légui nga tayel manam ne mo wër bon bo wër xamna na xaar ba dugg ci trambi rek wala nek ci metro rek wër la voilà yoyu non fu na xaar bay dawal auto rek wër la wala lool fofu le problème bi di nekké. Et puis tamit benen affaire amna mo lol mo moy soudé da nga boudé da nga xamné mën nga jital wirdi su fekkante né manoko jital parce que day goudi té da ngay ragal après bu indi la problème ci beccé gëj yoy nga grawul nga tukki mais bu fekkante né da nga yewu mu léna digënté fajar gi ak mën nga fé wirdi dem boba mais suffit que nga yewu 5 minutes 10 minutes avant pour mëna def lool voilà lool boba lool mo ta baye fek wallahu ta'ala ala. Voilà, bu nekk ci voyage lol graw amatul ben condition ci lol voyage dama ko ci nek am condition ci lol Allah ta'ala ala. Est-ce que on jital day bok ci ñom neñu de jital bi dafa sop dafa bok ci liñ sop parce que ben salat fat ci beccëg gi ci guddi gi day tollok 500 ci beccëg gi voilà té wala ak tamit jaamu yalla ci guddi gi manam ni mu gëné jaamu yalla be tek lool mo motax kon boba dañuy sopp ci nga koy jital wërdu motax di jital wërdu daiman mo gën nga diko def ci heure ci guddé ci bu soba bi la Allah ta'ala ala voilà. Non kok amul jital boudé day jitt day wosé fa ben yoon limi def tudul jital non manam boudé def ko avant fait comme wa day goudi rek goudi gi rek la koy def jital boudé ñaari boudé wa voilà jital bi moy souré da ngay wër da ngay wosé fa ñaar yoon mais boudé ben yoon da ngay wosé fa mom lolou tudul jital ce qui veut dire que ni wër di mën nga koy def goudi kessé wa lepp mën nga koy def goudi kessé wir do wo defa ak xadar dal ko mën ta def guddum sa lol fo nga def ama jott bi wala manam bo julle timit bu xare no wer wala bok bo julle ge ba pare nga wer xaar mo na jitu nga jitu après nga dal di jitu nga dal def wo defa tamit après nga dal di fara legui bo wa bu ci gep da ngay libre moy su tier bi jalle tier bi cher goudi gi su jalle ñu tek ci lu ñu mëna jangé juroomi hisab alquran moy environ 45 minutes voilà lool bo wa da nga dal mëna jittal voilà wala manam bo doy jitalé non par exemple beutek yépp da nga dal da nga def hein voilà beutek yépp da nga dal li ba wa manam da ngay libre ci werd wa kon baxna legui wala inshallah wala wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.